dirais toujours que tu vas exploser, que tu as sur le cœur une drôle de rancœur. T'arraches, tu la portes comme un étendard. Faudrait en vouloir pour soutenir ton regard. T'as pas de pays, c'est ce que tout le monde te dit. T'intégrer, te faire tout petit pour rentrer dans le moule, pour rentrer dans leur jeu. Toi, ce que t'aimerais vraiment, c'est partir aux quatre vents, courir les océans si on t'en laisse au le temps. Et si c'est vrai, tant pis. En tout cas, c'est ailleurs et moi, ça me suffit.